L'injuste soleil, par Binet Valmer. Quand il eut embrassé sa vieille sœur qui avait été si bonne, qui l'avait accompagnée à la gare et qui lui dit encore « Tu ne devrais pas, tu ne devrais pas !» Quand il lui recommandait de veiller sur la petite André, quand il eut soulevé dans ses bras la petite André et qu'il lui murmurait à l'oreille « Je te ramènerai maman !» Quand il fut monté dans le wagon et que le train s'ébranla, il se sentit pour la première fois depuis que sa femme l'avait quitté presque joyeux, et il redressa ses épaules qui tenaient voûtées depuis le départ de Louise. Sur le quai, dont les trottoirs humides brillaient et reflétaient la lumière des lampes, André agitait la main. La vieille sœur secoua la tête. Il les voyait diminuer. La brume de cette nuit de pluie le séparait d'elle peu à peu. Il était inquiet de les laisser. Il n'avait pas l'habitude des voyages, mais il était fier d'accomplir, seul et contre tout conseil, une action qu'il trouvait noble. Jusqu'au jour où il avait été trahi, il avait pensé que certaines choses étaient honnêtes et que d'autres ne l'étaient pas, et aussi que la justice existait. Mais à présent qu'il avait tant souffert, qu'il avait eu tant de projets, les plus terribles, les plus lâches, il jugeait autrement, plus largement, avec plus de subtilité. Au-delà des actes honnêtes, il y a les actes nobles. Il avait beaucoup pensé aux actes nobles. Pardonner est un de ceux-là. Le wagon était plein, un wagon de première classe. Elle ne voudrait pas revenir en seconde. Il avait pris pour lui un billet d'aller-retour. Les voyageurs étaient très élégants, avec des casquettes quadrillées, et les femmes, avec des chapeaux comme Louise les aimait, et de grands voiles qui leur enveloppaient la tête. Il songea qu'il n'aurait peut-être pas dû mettre sa jaquette. Mais c'était le seul vêtement dont Louise lui eût jamais dit « Enfin, voilà un complet qui te va ». D'ailleurs, il avait conscience d'être à son avantage dans cette jaquette. Il était grand, maigre, et sa figure avait toujours une expression sévère, même lorsqu'il était content. Il s'assit avec précaution dans le coin qu'il avait réservé, et il posa dans le filet près de sa valise son chapeau rond qu'il recouvrit d'un mouchoir. L'employé du wagon-restaurant annonça que le dîner était servi. Tous les voyageurs se levèrent, mais lui avait déjà dîné. Il n'était pas assez riche pour dîner au restaurant. Louise aurait besoin d'être soignée quand elle reviendrait. Pour cela, il avait économisé depuis 2 mois, pas beaucoup d'argent, ce qu'il fallait pour une transition. Il ne voulait pas croire qu'elle fût partie parce que son amant était riche, mais enfin, il fallait une transition. Elle vivait depuis 3 mois près de Saint-Raphaël, au bord de la Méditerranée. On l'avait rencontré en automobile. Des parents, elle, lui, l'avaient rencontré, et ils avaient écrit une lettre abominable. Oh, évidemment, lui aussi, dans les premières heures de sa colère, avait traité Louise de fille perdue. Cet homme, elle le connaissait à peine, un client de la maison et pas un vieux client. Il était venu commander des cartes de visite, dont il était pressé. On s'était donné du mal pour les lui livrer à temps. Il avait acheté du papier à lettres, il avait fait graver sur un cachet ses initiales. Un jour, elle était partie avec lui. Alors la vieille sœur, si bonne, avait annoncé que Louise ne reviendrait pas, que Louise lui avait écrit pour demander pardon à tout le monde. Ensuite, plus de nouvelles. Il avait eu beau mettre de courtes annonces dans la petite correspondance de son journal, des annonces qui menaçaient le vide. « Je saurais bien vous retrouver. » D'autres qui rusaient, qui parlaient d'une maladie d'André. « André est très malade, revenez !» Sans doute Louise ne lisait-elle plus le même journal. Il ignorait ce qu'elle était devenue, et on l'avait mise à la porte quand il était allé chez M. Fernand Lacombe, demander l'adresse de l'amant de Louise. Fernand, il trouvait ce nom ridicule. Lui se nommait François, et il n'aurait jamais enlevé la femme d'autrui. Il n'était pas jaloux, il était malheureux. Sa vieille sœur tenait la maison, gardait la papeterie, soignait André. Lui ne pouvait plus rien faire. Il avait dans sa tête trop d'idées nouvelles. Jadis, il affirmait que l'on n'était puni que pour ses fautes. Il en commettait le moins possible, il n'en avait pas commis contre Louise, et il était puni. André était puni, et Louise elle-même, qui ne pouvait pas être heureuse, loin de ses occupations, car elle s'occupait beaucoup de la papeterie, loin d'André, et même loin de lui. C'était le destin. François avait voûté les épaules, mais quoi, fallait-il se résigner? Était-il un homme, oui ou non? Puisqu'ils étaient tous punis, il ne s'agissait pas de punir Louise. Il devait, lui qui était l'homme, les sauver tous, et cela, ce serait avoir de la noblesse. Écrire à Louise, il y avait songé, mais il n'était pas très habile quand il écrivait. Il irait la chercher. Il descendrait à Saint-Raphaël. Là, il devrait attendre un train omnibus qui le conduirait à la station voisine de la villa. Puis il enverrait quelqu'un chez M. Lacombe et elle viendrait et lui dirait « C'est le destin ». Mais il faut lutter contre le destin parce que le destin est injuste. Il lui parlerait de leur fille, de lui un peu et des affaires qui n'allaient plus très bien. Et malgré ce que prétendaient sa vieille sœur et leurs amis, Louise serait sauvée. Il fallait seulement, pour la sauver, que quelqu'un le voulût. Voilà. On se résigne trop et on se trompe d'adversaire. On a de la haine les uns contre les autres et le destin triomphe. Si on ne luttait que contre lui, ce serait facile de le vaincre. Il dirait à Louise, « Nous n'en parlerons jamais. » Elle le suivrait, parce qu'elle était une honnête femme qui avait succombé à la tentation. Elle était si jolie qu'elle devait se défendre contre des tentations que les autres n'avaient pas. Il lui dirait, « Nos parents, les Picards, t'ont rencontré en automobile. C'est par eux que j'ai appris où tu vivais. Ils m'ont écrit une lettre abominable. Mais tu sais, si tu veux, nous ne les verrons plus. » Il n'aurait pas de querelle avec M. Lacombe. Était-ce sa faute? Certainement. Si M. Lacombe l'eût connu, il n'aurait pas voulu lui causer de la peine. Il avait aperçu une femme très belle dans une petite papeterie, il l'avait prise, ce n'était pas sa faute. Ah, par exemple, s'il essayait de la retenir, s'il se liguait avec le destin, ce serait différent. Mais pourquoi serait-il un méchant homme? Dans le wagon, les voyageurs qui avaient dîné revenaient, et comme il y avait à côté de François une dame qui avait l'air délicate, et qui se préparait pour dormir, François lui céda sa place. Il avait envie d'être bon. Il lui permit de s'étendre, et il se promena dans le couloir. Il se promena longtemps, fier et sans inquiétude. Parfois, il s'asseyait sur des strapontins qui s'abaissent aux deux extrémités du couloir. Il écoutait le bruit de la pluie qui cinglait les vitres. Il s'intéressait au mouvement des grandes gares où l'on s'arrêtait. Il songeait que le génie de l'homme avait vaincu la nature, et il en éprouvait un nouvel orgueil. Lui aussi avait vaincu la nature qui le poussait à la vengeance, et il allait vaincre le destin. Après Lyon, il s'assoupit. Il s'éveilla à Valence, s'endormit de nouveau, et l'aube était toute rose à l'horizon quand il se réveilla près de Marseille. Au-delà de cette ville, ce fut la Méditerranée et le soleil qui se levait. François ne connaissait que la Manche, ses plages grises et son ciel brumeux. Bien qu'il fût très fatigué, il resta debout, levant contre les vitres. Il était bouleversé par le spectacle. Hier, le brouillard sur Paris, ce matin, une lumière qu'il n'avait pas imaginée, quand il pensait à Louise et aux voluptés dans lesquelles elle se perdait. Il n'avait pas imaginé ce rayonnement, ce calme, tout cet or, tout cet azur et toutes ces fleurs. La lumière le pénétrait, chassait la fatigue, chassait les pensées, et une autre joie, une joie qui n'était pas faite d'orgueil, dont il n'était pas le maître, l'envahissait. Il jouissait de la limpidité de l'air, du détail des petits golfs, des couleurs surtout, des couleurs inouïes. Il baissa la glace et le parfum de l'air, il le respira, il en goûta la saveur. Ce fut une ivresse gaie, puis lourde, puis accablante. Il n'avait pas prévu cela. Il regarda sa jaquette, son pauvre corps étriqué. Il se sentait humble, gêné. Il luttait contre cette pensée. Que suis-je venu faire ici? Il époussetait sa jaquette, salie par la fumée de la locomotive, et il n'était plus fier de la vitesse du train, de l'organisation des gares. Il n'était plus fier d'être un homme, de la victoire des hommes sur la nature. Il aurait voulu se promener sur ces routes fleuries avec, oui, avec une femme qui aurait été amoureuse de lui. Se promener lentement, s'attarder, flâner, perdre sa vie dans une longue volupté. En même temps, il devinait qu'il n'était pas né pour un tel bonheur, qu'il abîmerait le décor, ainsi que l'abîmait ses panaches de fumée qui l'empêchaient de suivre la ligne de la côte. Quand le train s'arrêta à Saint-Raphaël, François était dans une angoisse profonde. Il se reprit en consultant les indicateurs, en préparant le programme de sa matinée. Il compta les raisons qu'il avait d'espérer que tout irait bien, et il se défendit contre cette image qui depuis un moment lui montrait, avec une précision atroce, Louise et Fernand trop près l'un de l'autre. Tandis qu'il attendait l'heure du départ, il évita de rester au soleil. Sous le soleil, son vêtement lui paraissait affreux et son énergie se dissolvait. Il se disait « Je ne pourrai pas lutter contre le destin. » Le destin, c'était maintenant le soleil, et le soleil accablait le pauvre homme. « Tu ne devrais pas, tu ne devrais pas. » Il entendait la voix de la vieille sœur. Il regrettait de ne pas lui avoir obéi. Il regrettait de ne pas être ce matin, dans la papeterie sombre, dans le brouillard, qu'éclairait peut-être un rayon qui égayait sans troubler. Mais, parce qu'il avait de l'ordre et qu'il avait son billet, il eut du courage. Il arriva à la petite station. Il descendit. Il demandait où se trouvait la villa de M. Lacombe. On la lui montra. Elle était derrière un bois de pin qui s'étendait jusqu'à la mer. « Avez-vous un hôtel ici ?» On le conduisit à un hôtel. Il y fit sa toilette et déplora de ne pas avoir emporté un vêtement de rechange. Il ne possédait pas d'autres vêtements convenables. Il avait 2 billets de 1 000 francs dans sa poche pour Louise. Le soleil était dans la chambre où François se rasait. Il était dans le miroir et François se coupa. « La guigne » pensa-t-il. Quand il fut prêt, il n'osa pas envoyer quelqu'un à la villa de M. Lacombe. Il n'osait pas davantage interroger les gens du pays. Il lui semblait qu'on se moquait de son apparence. Il se sentait souffreteux et malhabile. J'enverrai quelqu'un cet après-midi. Maintenant, elle est peut-être couchée. Il eut un accès de rage en songeant qu'elle était couchée. Et puis, il voûta les épaules. Il n'y pouvait rien. Sans but, comme attiré, il marcha dans la direction de la villa. La terre était rouge et la mer bleue. L'ombre des pins se dessinait nettement. Il faisait chaud. C'était la fin du mois de mars. L'ombre était agréable dans le bois. François perçut une belle villa, toutes fenêtres ouvertes, un jardin, des fleurs innombrables. Il lui tourna le dos et comprit qu'il n'oserait jamais frapper lui-même à cette porte. J'enverrai quelqu'un. Il s'en alla vers le bord de la mer, que le bois teignait. Il s'assit sur une roche, posa le manteau dans ses mains jointes. Sur l'immense mer bleue et sur le sable rouge, le soleil régnait, et les oiseaux, les insectes qui se réfugiaient dans l'ombre des pins, y apportaient sa lumière. François ferma les yeux pour lui échapper. Un cri, dont il reconnut l'accent, le força de les ouvrir. Le cri venait de la plage. Sur la plage, un homme et une femme se baignaient. Et Louise avait crié, parce que sans doute la mer était encore froide. Son amant l'encourageait à s'y plonger. Il y entra. Il attira Louise. Elle s'élança vers lui. Un nouveau cri d'effroi et de plaisir, puis une voix qui disait « Non, elle est trop froide, je rentre. » Ils luttèrent, elle voulait fuir. Il la prit dans ses bras. « Oh Fernand, oh chéri, » disait-elle. Et François vit passer, sur la limite du bois, son rival, qui portait dans ses bras Louise, confiante, son rival à demi nu, jeune et très beau dans le soleil, qui portait Louise presque nue, ses longs cheveux blonds déroulés dans le soleil. Ils étaient tout enveloppés de soleil et de bonheur, ils étaient invincibles. « Oui, mais l'avenir, » pensa François. « Eh, la nuit viendrait, sans doute. Mais il n'était pas né pour penser à la nuit, au brouillard, à l'effort, à la fatigue. Allons-nous-en, se dit François. Elle est heureuse, ce n'est pas juste, mais elle est heureuse. » Et tandis que se refermait la porte de la villa sur le couple protégé, François se leva, brossa machinalement sa jaquette et retourna vers l'auberge en se cachant tant qu'il le pouvait. Le lendemain, il rentrait à Paris et il disait à sa vieille sœur « Tu avais raison, je n'aurais pas dû. » Mais il souleva André dans ses bras et lui murmura à l'oreille « Ta maman n'est pas revenue. Elle est au ciel. » Il voulait dire que la maman d'André était morte. Mais le ciel rayonnant qui avait protégé Louise le séparait de Louise plus que la mort. C'était « L'injuste soleil » par Binet Valmer.